L'actualité à Nancy et ailleurs. Morane Attenot, bonjour. Bonjour. Vous êtes chargée de projet et d'accompagnement du GEC Indus Lorraine et vous participez dans le cadre de Mars au Féminin qui se déroule du 8 au 28 mars. Vous proposez donc Féminin Industrie. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer la genèse de ce projet Féminin Industrie et pourquoi le GEC Indus Lorraine s'est associé à la programmation de Mars au Féminin ? Tout d'abord, Féminin Industrie, ça fait partie de la programmation de Mars au Féminin qui a été présentée par Lisa Gossio la semaine précédente chez vous. Donc Mars au Féminin, c'est organisé par la Maison d'emploi Terre de Lorraine et le service territorial d'insertion du département. L'idée de Mars au Féminin, c'est de valoriser des parcours féminins, notamment dans des secteurs réputés plutôt masculins, comme par exemple l'agriculture, le BTP ou l'industrie. Et donc moi, je travaille pour le GEC, Indus et Interpro. Et donc dans ce cadre-là, on a décidé de porter un projet qu'on a appelé Féminin Industrie, qui est la valorisation de parcours féminins dans l'industrie. L'idée, c'est d'aller découvrir des entreprises industrielles du territoire. Et la particularité des entreprises qu'on va aller visiter, c'est que ce sont des entreprises qui sont dirigées par des femmes, qui est, il faut le dire, un peu moins courant dans le secteur industriel. Et donc, on va aller découvrir les différents métiers de ces entreprises et découvrir, je dirais aussi, les opportunités qu'il peut y avoir dans le secteur industriel et aussi pour les femmes, parce qu'on peut avoir une idée un petit peu, je dirais, poussiéreuse de l'industrie qui, en réalité, se modernise et donc les différents métiers sont accessibles à tous. Et on va aussi avoir un temps d'échange avec les dirigeantes de ces entreprises et d'autres femmes qui y travaillent pour présenter leur parcours et on espère susciter quelques vocations. Voilà. Voilà, on va revenir. Il y a deux dates, hein, le 13 et le 19 mars, on va y revenir. Peut-être oui. Un mot pour expliquer un peu le rôle des GEC. Il y en a de nombreux en France. Le GEC Indus Lorraine, c'est un collectif d'entreprises. Comment ça marche ? Alors un GEC, c'est un groupement d'employeurs pour l'insertion et la qualification. Donc effectivement, en fait, c'est des entreprises d'un même secteur qui rencontrent des difficultés pour recruter, qui vont donc solliciter un GEC, qui est une structure associative, qui va recruter et former des salariés pour ces entreprises qui ont besoin de personnel. En fait, on mise sur le potentiel de personnes éloignées du monde du travail, donc en les formant et les accompagnant le temps d'un contrat, avec pour objectif, à la fin de ce contrat, que l'entreprise embauche cette personne. Et des GEC, il en existe, comme vous l'avez souligné, plusieurs en France. On est un petit peu répartis par zone géographique et secteur d'activité. Et donc en Lorraine, on a un GEC Indus, mais on a aussi un GEC BTP pour les métiers du BTP, un GEC pour les métiers de la propreté et aussi un GEC sport et loisirs. C'est le GEC Indus Lorraine donc là qui vous propose de venir rencontrer des chefs d'entreprise, chefs au féminin cette fois-ci. Ce sera le 13 mars déjà à Pont-Saint-Vincent. Oui, donc le 13 mars à 14h, visitez l'entreprise Soderel à Pont-Saint-Vincent. Et on a une seconde visite le 19 mars à 9h pour visiter les entreprises de Pras Ventilation et Chaudronnerie Lorraine, et ça, c'est à Colombey-les-Belles. Rencontrer ses employeurs, mais aussi avec des opportunités d'embauche derrière ? C'est possible, effectivement. Après, l'idée, c'est quand même vraiment de découvrir les métiers, mais il faut savoir que le secteur de l'industrie, de façon générale, recrute. Et découvrir les métiers-là, c'est déjà se familiariser à cet univers. Et nous, on a des opportunités, en tout cas, dans l'industrie, toute l'année, sur tout le territoire lorrain. C'est des métiers, aujourd'hui, qui sont beaucoup plus automatisés. Donc, on a des machines qui peuvent aider sur les parties qui avant étaient peut-être plus physiques. Et aujourd'hui, il y a vraiment la place pour tout le monde. Et c'est des métiers qu'on connaît peu, mais qui sont passionnants et accessibles à tous. Et pour Féminin Industrie, vous cherchez peut-être un public particulier ? Alors l'événement, il est ouvert particulièrement à destination des personnes qui cherchent un emploi, donc demandeurs d'emploi, salariés des structures d'insertion, jeunes des missions locales. Et l'événement Mars au Féminin, voilà, parle de parcours féminin, mais bien évidemment, il est ouvert à tous. Donc on attend des femmes, mais les hommes aussi, il n'y a pas de souci, tout le monde est bienvenu. Et pour participer cette année à Féminin Industrie, donc il y a deux dates, 13 mars, 19 mars, comment faut faire ? On a un système d'inscription qui est géré par donc la Maison d'emploi Terre de Lorraine, car les places sont limitées pour assurer une visite optimale. Vous pouvez vous inscrire sur le site internet de la Maison d'emploi Terre de Lorraine, qui est emploi au singulier.terredelorraine.org. Donc il y a un lien pour s'inscrire à notre action et d'ailleurs aux autres actions dans le cadre de Mars au féminin. Et bien sûr, dans Mars au féminin, il y a plein d'autres actions. Effectivement, on a aussi une interview de Lisa Cossio qui est en écoute sur notre site, qui parle de ce grand rendez-vous pendant le mois de mars. Merci beaucoup, Maura Natno. Merci à vous. L'actualité à Nancy et ailleurs, c'est sur Fudget. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.